Le pied de la croix, les douleurs de Marie par le révérend père Frédéric William Faber. Chapitre 3. Deuxième douleur, la fuite en Égypte. Seconde partie. Mais la partie la plus affligeante de la seconde douleur de Marie reste à dire, et personne ne saurait la dire comme elle devrait l'être. Nous la comprendrions si nous avions une révélation du cœur de Marie. Mais même alors nous ne pourrions l'exprimer par des paroles. C'était un mélange de la peine la plus vive de sentiments blessés, de détresse si grande qu'elle sembla, inattendue, d'horreur qui désirait ne plus croire ce qu'elle voyait. En même temps que Marie sentait comme l'écrasement simultané de tous les amours de son cœur immaculé. Ce tourment venait de ce que dans sa seconde douleur Marie voyait clairement la haine des hommes contre Jésus. Enfant plein de beauté, qui faisait entrer dans sa chair comme dans un fourreau les grandeurs pénétrantes de Dieu. Y eut-il jamais rien de si attrayant, de moins haïssable que cet enfant béni? Pourquoi les hommes se tournaient-ils ainsi contre lui? Pourquoi les regards des rois perçaient-ils les voiles de son innocente obscurité comme des lynx féroces? Et pourquoi était-il altéré de la faible source de son sang? Comme s'il était une proie pour leurs appétits, sauvage, innocent, faible, silencieux, suppliant et si beau et les hommes le chassent de leur retraite? Comme s'il était un monstre cruel, tyrannique, sanguinaire, et qu'ils sentissent pour lui la répulsion que font éprouver les grandes iniquités et les crimes commis dans l'ombre. Marie savait combien Jésus était beau, et savait, par conséquent, combien était inexprimable le sacrilège de ce cruel exil de cette poursuite homicide qui ne se fût point arrêtée là, si Dieu ne lui eût soustrait sa victime. Marie savait aussi que Jésus était Dieu, qu'il était le Créateur venu parmi ses créatures, et, quoiqu'il ne soit pas encore intervenu au milieu des hommes, qu'il ne leur ait pas même encore parlé, mais qu'il les ait seulement regardés avec son doux visage, ils sont tourmentés par l'inquiétude. Ils le trouvent un fardeau pour eux. Quoique celle qui le porte à travers tout le désert puisse attester qu'il est plus léger que l'air, ou que, du moins, son amour maternel le lui fasse trouver tel, enfin il le force à fuir devant eux avant qu'il puisse marcher. Tel était donc l'accueil que Dieu attendait depuis 4000 ans. Ciel miséricordieux, l'amour divin n'est-il pas une chose réellement incroyable? Toutes les affections de ce cœur maternel étaient brisées à la fois. Si les hommes avaient simplement évité Jésus et se fussent tenus éloignés de lui, Marie en eût éprouvé une souffrance intolérable. S'ils étaient passés près de lui avec indifférence, comme s'il n'eût été d'aucun intérêt pour eux, mais qu'il eût été seulement, comme leur sens le leur disait, un homme vivant, accroissant d'une unité. Et d'une pauvre et vulgaire unité la population du monde, cela même aurait causé à Marie le chagrin le plus vif. Voir les hommes ne pas connaître Jésus, se méprendre sur lui, ne pas l'apprécier, c'eût été là pour le cœur de Marie une épine que rien n'aurait pu en arracher. Mais Jésus était haï, et il passait comme un point sur le désert, spécialement pour le peuple qu'il aimait le plus de tous ceux qu'il était venu sauver. Elle l'aimait de plusieurs amours parce qu'elle l'aimait en conséquence de plusieurs droits et sous plusieurs titres. Elle était blessée séparément et cruellement dans chacun de ses amours. Elle était la créature et la mère de Jésus. Elle l'aimait de l'affection naturelle la plus vive parce qu'elle l'avait porté dans son sein. Son amour s'était merveilleusement accru en même temps que se développait la beauté de Jésus, et à mesure qu'elle le connaissait mieux. Elle l'aimait d'un amour surnaturel, non seulement à cause de la sainteté dont il était rempli, mais encore à cause de sa propre sainteté, attirée par celle de Jésus. Elle l'aimait comme le Sauveur et le Rédempteur du monde. Elle aimait avec une adoration parfaite sa nature divine et la personne du Verbe éternel. Plus loin, qu'est-ce que l'amour pourrait chercher, ou pourrait-il atteindre? Mais elle aimait aussi d'un enthousiasme qui était pour elle une seconde vie la gloire de Dieu, son exaltation par ses créatures, et l'honneur de la majesté divine. Elle aimait la très sainte Trinité, de tous les amours que les saints aient jamais connus, avec complaisance, congratulation, désir, condoléance, imitation, estime. Or, Jésus était le vrai but auquel tendaient toutes ces gloires de Dieu, le trophée auquel elles étaient suspendues, la source d'où elles coulaient, l'aliment unique qui pouvait les rassasier, le prix égal à leur valeur, le moyen, le seul moyen par lequel Marie pouvait les aimer comme elle le désirait. Il n'y avait pas une chose chère au cœur de Dieu qui ne fût outragée et blessée dans cette tentative contre la vie de Jésus, dans cette haine contre ce Fils que Dieu avait envoyé. Et les innombrables blessures de l'objet éternel de son amour passaient sur l'amour ardent de Marie, terrible comme les stigmates des saints. Ce n'était pas tout. Marie aimait les hommes. Leurs épouses ni leurs mères ne les aimèrent jamais comme elle les aimait. Jamais missionnaire ne brûlait d'autant d'amour pour les âmes. Elle avait à cœur tous les intérêts des hommes et les intérêts de chacun d'eux. Elle eût voulu mourir pour sauver le moindre d'entre eux, si le sacrifice limité d'une simple créature eût pu mériter leur salut. Par amour pour eux, aussi bien que par amour pour Dieu, elle eût souffert mille tortures pour épargner à l'un d'eux un seul péché. Mais qu'est-il besoin de plus de paroles? Elle allait leur donner Jésus. Elle s'y était résolue. Bien plus, elle le leur avait donné virtuellement. Oh que les hommes la blessaient alors dans son amour payé d'ingratitude, dédaigné, et, pour ainsi dire, rejeté sur elle. Elle frémissait en voyant quels abîmes de ténèbres, quelle séparation de Dieu manifestait cette haine contre Jésus, et une sorte d'horreur sainte passait sur elle à cette même manifestation si terrible de la puissance et de la malice des mauvais esprits. Ils ne savaient pas encore que Jésus fut Dieu, mais leurs instincts les attiraient autour de sa grâce et de sa sainteté par une sorte d'aimant qu'ils ne comprenaient pas, et qui, cependant, les rendait furieux. Et les hommes même, les hommes dont le Verbe avait pris la nature, les hommes pour qui Jésus devait mourir, les hommes dont Marie devait être la mère, et même les tribus choisies d'Israël étaient comme possédés de ces mauvais esprits, ils se laissaient guider par eux et leur obéissaient, sans savoir combien de mal ils faisaient. Oh ne sentons-nous pas comment, du plus brisé de tous les cœurs brisés, la mère de miséricorde prononçait d'avance la douce et toute puissante prière de son enfant. « Mon Père, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Or, la seconde douleur de la Sainte Vierge, comme nous l'avons déjà dit, n'était pas un mystère passager. Ce n'était pas une action complète une fois terminée. Elle embrassa un long espace de temps, elle dura pendant des années. Pendant toutes ces années, Marie eut à souffrir toutes ses peines. Outre le séjour de 7 années en Égypte, qui avait agrandi jour par jour la plaie dans le cœur de l'exilé, cette douleur fut une double douleur. Elle eut son écho, car le retour fut une sorte d'écho de la fuite. Il y eut la même route accablante à parcourir, les mêmes fatigues, les mêmes privations et plusieurs des mêmes dangers. Cependant la crainte était moins grande, ou plutôt elle s'était absorbée dans un plus grand objet, la vie de l'enfant. Quoiqu'elle eût encore en même temps d'autres objets moins importants. Il y avait toutefois dans le retour quelques circonstances aggravantes qui le distinguaient de la fuite. L'âge de Jésus était une cause de difficulté particulière pour Marie et Joseph. Il était dans sa 8e année, trop jeune pour marcher, trop âgé et trop lourd pour les bras de sa mère. Il serait obligé d'acheter quelques bêtes de somme, ce qui augmenterait les fatigues de Saint-Joseph dans le désert, ou bien il leur faudrait porter tour à tour leur précieux fardeau. Lorsque Jésus aurait permis aux conséquences naturelles de la fatigue ou aux blessures causées par le sable brûlant, ou aux plantes épineuses du désert d'exercer leur action sur lui et de lui ôter la possibilité de continuer sa marche. L'âge plus avancé de Saint-Joseph était aussi dans le retour un trait que Marie n'oubliait jamais un seul instant. Le travail l'avait courbé. Tandis que les années, et surtout des années d'inquiétude récentes, avaient laissé leur empreinte sur sa face vénérable. Il se fatiguait aisément, car sa force était bientôt épuisée, et Jésus aide moins ceux qui sont près de lui à porter leur croix qu'il n'aide ceux qui sont plus éloignés. L'âge de Jésus apportait aussi à Marie comme d'ordinaire, de nouveaux motifs pour l'aimer et un accroissement continuel de son ancien amour et tout cela augmentait ses angoisses. En outre, elle et Jésus étaient alors sur la route du calvaire vers lequel leur visage était tourné. Cette pensée put-elle jamais la quitter pendant tout le temps du retour? Et sur les frontières de la Terre Sainte, la crainte les surprit de nouveau. Ils se détournèrent de Sion et revinrent dans leur retraite de Nazareth. L'Écriture dit « Il n'y a point de paix pour les méchants ». Hélas, lorsque nous portons nos regards sur le monde, nous sommes tentés de nous écrier que c'est plutôt pour les bons qu'il n'y a point de paix. De ces particularités de la seconde douleur, nous pouvons maintenant passer aux dispositions dans lesquelles la Sainte Vierge l'endura. On peut tirer plus d'une conclusion de ce qui a déjà été dit. Mais il y a trois points sur lesquels nous devons spécialement diriger notre attention. Le premier est l'absorption généreuse de Marie dans les souffrances des autres. Il semblerait que son cœur fût placé dans les cœurs des autres pour sentir, pour aimer, pour souffrir, pour être torturé. Lorsque nous passons en revue les incidents de cette seconde douleur, il ne nous arrive jamais de penser pour un moment combien Marie eut souvent froid et faim, combien elle eut à souffrir du vent, combien elle fut privée de sommeil, combien de fois elle se blessa les pieds, combien elle eut à endurer de fatigue d'esprit et de corps. Nous ne voyons rien de tout cela, les éléments de ces douleurs intimes. C'étaient des souffrances que nous, ses enfants, nous ne pouvons pas oublier, et, comme souffrance, ces choses faisaient partie de ce qu'elle avait à endurer. Mais nous croirions porter atteinte à son honneur si nous les faisions entrer en ligne de compte, comme des sujets, sur lesquels elle s'arrêtait ou dont elle se plaignait, ou auxquels elle fit attention. Ses douloureuses sympathies s'étendaient partout. Elles se répandaient sur Joseph ou se concentraient sur Jésus. Elles s'étendaient en humble réparation sur toute la majesté de Dieu, ou bien elle débordait comme un déluge sur toute la terre, et plongeait toutes les âmes humaines de chaque génération dans un bain de pleurs et d'efficace compassion. Les sympathies de Marie étaient partout, excepté dans ses propres misères. Elles étaient pour chacun, excepté pour elle-même. Elle semblait naître sans effort. Elle se produisait naturellement en elle, parce qu'elle agissait avec grâce, comme si la grâce était sa nature. De même que la lune réfléchit la lumière du soleil sans la moindre peine pour elle-même et embellit la terre sans aucun effort, ainsi Marie réfléchit Dieu, ainsi elle éclaire et brille sans effort, presque à son insu, comme s'il lui appartenait simplement d'être lumineuse et belle, et qu'il n'y eût là rien qui dût l'étonner. Une autre disposition de Marie dans sa seconde douleur était sa vive sensibilité touchant les intérêts de Dieu blessé par le péché. C'est là comme un sens nouveau que la sainteté développe dans l'âme. Plus nous avançons dans la sainteté, plus il devient subtil. La portée de la vue de l'âme est plus étendue, tandis qu'en même temps ses perceptions sont plus exactes et plus détaillées. Son ardeur s'augmente lorsque la grâce s'accroît, et par une conséquence naturelle, son pouvoir de nous faire souffrir s'accroît pareillement. Chez les grands saints, ce sens devient complètement une passion, et s'empare à la fin de leur vie tout entière. Cependant, on ne saurait guère établir une comparaison entre cette sensibilité développée chez les saints et celle qui existait chez la Mère de Dieu. Elle était attirée dans un cercle divin et menait une vie divine. Elle avait avec la majesté divine une sorte d'unité, une unité spirituelle qui lui donnait le droit de prendre part aux affaires de Dieu, le droit d'être uniquement intéressée dans ses intérêts, une sorte de participation réelle à la sensibilité de sa gloire, telle que n'en peut posséder nulle autre créature. Marie est une personne de la maison, et, par conséquent, elle sent d'une autre manière que toute personne du dehors, quelque chère et quelque proche qu'elle nous soit. La prière de Marie n'est pas une simple intercession. Elle a comme une juridiction sur le Sacré-Cœur et sur la volonté de Dieu, qui fait de sa prière une chose différente de l'intercession des saints. Tous les élus travaillent, de concert avec Jésus, à multiplier les fruits de sa passion. Mais Marie a reçu une coopération indéfinissable dans la rédemption du monde, et la coopération des saints ne peut s'y comparer que comme on compare leur sympathie pour la passion de notre Seigneur avec la compassion de la Sainte Vierge. Si les souffrances de saint Paul dans sa chair, Colossiens 1, 24, suppléaient aux choses qui manquaient dans les souffrances du Christ, pour son corps, qui est l'Église, que doit-on dire des douleurs de Marie? Ces considérations, si elles ne peuvent donner à notre pesanteur spirituel une idée juste de la sensibilité de la Sainte Vierge pour la gloire de Dieu, nous rendront du moins aptes, lorsque nous nous étonnerons de la sublimité de cet instinct chez les saints, à nous rappeler que la sensibilité de Marie s'élevait à une telle hauteur que les saints eux-mêmes n'en ont pas d'idée. Même pour nous, au fond des vallées profondes où la recherche miséricordieuse de la grâce nous a découverts, il y a un sujet d'inexprimable tristesse dans la manière dont Dieu est exclu de sa propre création. Nous considérons maintenant le mystère de la fuite du Créateur loin de ses créatures. N'y a-t-il pas quelque chose d'aussi terrible dans la fuite des créatures loin de leur Créateur, fuite dont nous sommes continuellement témoins? Quand la foi nous a ouvert les yeux, quelle scène le monde nous présente! Partout Dieu poursuit de son amour ses créatures coupables, mais c'est pour les sauver et non pour les punir. Il n'y a pas dans le monde une retraite, pas un asile secret de la pauvreté, pas un séjour du péché, pas un lieu malséant pour une si haute majesté, où Dieu ne suive ses créatures et ne les contraigne presque à recevoir ses dons immenses. Plus rapide que l'éclair, plus puissante que l'océan, plus universelle que l'air, sa compassion se répand et se multiplie avec magnificence sur tout le monde qu'il a créé. Partout les hommes s'enfuient pour échapper à cette généreuse, à cette miséricordieuse et tendre poursuite. Il semble que le grand objet de leur vie soit d'éviter Dieu, que le temps soit un répit accordé à la nécessité de la présence de Dieu dans l'éternité, et que Dieu n'ait pas le droit d'intervenir pendant le temps. Il semble que l'espace ait été expressément donné aux créatures pour qu'elles puissent se tenir éloignées de leur Créateur. Les enfants même s'enfuient de toute leur force loin de Dieu, comme s'ils comprenaient le sujet tout aussi bien que les hommes faits, et qu'ils eussent pris leur parti là-dessus d'une manière aussi déterminée. Dieu parle, il prie, Il supplie, il crie, mais il court toujours. Il redouble la clarté des rayons de soleil qu'il leur envoie, afin de gagner leur cœur par l'excès de son indulgence paternelle. Mais il court. Il répand sur eux des ombres et des ténèbres, afin de les rendre sensés et sages. Mais il court. Il veut les avoir. De grandes grâces sont jetées sur leurs âmes comme les pierres que la fronde lance avec rapidité, et ils tombent. Mais, en un instant, ils sont debout et continuent leur fuite. Ou si Dieu les atteint alors, parce qu'ils sont trop blessés pour se relever sur le champ, il le laisse seulement laver le sang et la poussière de leurs blessures, les baiser tendrement sur le front, et puis il recommence à fuir. Dieu, cependant, ne veut pas qu'on déjoue ses desseins, et il se cachera dans l'eau d'un sacrement et fera sa douce proie des enfants avant qu'ils aient l'usage de la raison. C'est bien. Mais ensuite il faut qu'il les fasse mourir s'il veut les garder. Sinon, presque avant de pouvoir marcher, ils s'enfuiront loin de lui. Et qu'est-ce que ce tableau comparé à la vision qui était sans cesse devant les yeux de notre Sainte Mère? Mais plaçons le monde devant nous et voyons quel aspect il présente. Si, à cette vue, notre faible amour pour Dieu s'irrite, que doit avoir souffert Marie? Car ce qui irrite notre faiblesse doit avoir été pour elle la douleur la plus profonde et la plus immense. Dieu vient trouver le monde qu'il a créé, et le monde ne se meut pas. Il ne le peut pas. Il est situé à des profondeurs immenses au-dessous de Dieu et n'a point d'issue. Dieu vient sous les traits d'une miséricorde incroyable dans ses merveilles, mais sa beauté semble ne pas avoir d'attrait pour le monde. Il s'approche davantage. Alors il faut bien que le monde fasse quelque chose, mais il devient de glace devant les regards de Dieu. Dieu peut avoir d'autres mondes, plus fertiles, plus accessibles pour lui que celui-ci. Dans les tropiques spirituels où habitent les anges, Dieu serait peut-être bien accueilli, mais il ne l'est pas ici, ce monde est comme le pôle septentrional de son univers. Dieu a versé son sang sur ce monde sans en pouvoir fondre la glace. Ce monde est ingouvernable, innavigable, inhabitable pour Dieu. Dieu ne peut en rien faire. Il ne peut qu'y laisser son soleil se jouer en prismes brillants plus qu'ailleurs dans les glaciers, commander à la lune d'y briller dans sa pâle beauté, ou remplir le ciel aux longues nuits des lueurs d'une aurore dont les Esquimaux, enterrés dans leur hutte, ne daigneront pas admirer les splendeurs. La seule différence est que le pôle matériel remplit sa fonction, qui est de produire de la glace sous toutes les formes imaginables, tandis que nous autres hommes, nous sommes tellement accoutumés à notre propre froideur, que nous ne savons pas combien nous nous en froid, et que nous nous imaginons être la zone tempérée de l'univers créé par Dieu. Si Dieu entre dans ce monde, les choses n'en vont guère mieux. Il est triste de penser, et plus au ciel que ce fut aussi incroyable, combien il y a d'hommes en ce monde qui sont séparés de Dieu au point de rendre presque un miracle nécessaire pour que la grâce s'insinue dans leurs âmes. Considérez cette infinité de beaux commencements, de pieuses intentions, de saints désirs, de luttes zélées, d'aspirations ardentes, et voyez avec quelle tyrannie les soins de la vie l'emportent sur tous ces intérêts de Dieu. Voici des âmes qui sont retenues loin de lui par des arrangements de famille. Il leur faut vivre loin des moyens de la grâce, où elles sont jetées au milieu des mauvais exemples, où elles sont obligées de prendre part à des distractions contraires à leur goût, où elles sont placées dans l'alternative, soit de juger leurs parents, soit d'émousser leur sensibilité pour Dieu, où elles sont engagées dans des mariages mal assortis, ou forcé de s'exposer aux ambitieuses tentations de position mondaine, ou bien enfin leur vocation religieuse est maltraitée. Dieu ne doit pas pouvoir agir à sa guise, il ne le veut pas. De son côté, il ne veut pas faire de miracles et les âmes se perdent. Combien y en a-t-il encore qui soient séparés de Dieu par les affaires d'argent? La religion des orphelins est mise en péril par des exécuteurs testamentaires qui n'ont pas la foi. Des fortunes sont laissées sous des conditions qui, sans une grâce héroïque, empêchent la conversion. Le lieu de la demeure est fixé par la gêne, et il arrive que l'incapacité spirituelle en est la suite. Des questions d'éducation sont décidées d'une manière préjudiciable par des motifs pécuniaires, comme l'est aussi le choix d'une profession. Le manque d'argent est une barrière pour la liberté de beaucoup d'âmes qui, autant que nous pouvons en juger, fera usage de cette liberté pour le service de Dieu. Les arrangements locaux même séparent les âmes de Dieu. On se trouve dans la nécessité de vivre pendant une partie de l'année dans un endroit où l'on ne peut recevoir régulièrement les sacrements, ou bien l'on est obligé de se mêler souvent avec des personnes d'une autre croyance, ou bien encore de se mettre en avant pour obtenir une influence politique. Il arrive aussi que des jeunes gens doivent renoncer à leurs habitudes d'œuvre de miséricorde, imparfaitement formés dans une grande cité, qui, après tout, est un plus vrai sanctuaire de Dieu que la verte et innocente campagne. Combien de personnes aussi, sans qu'il y ait de leur faute ni de celle d'autrui, sont séparées de Dieu par les conséquences temporelles de quelques malheurs. Les familles se dispersent. Les âmes sont emprisonnées dans des occupations qui ne leur conviennent pas et dans des emplois défavorables, et il en résulte une foule de difficultés religieuses auxquelles il est réellement impossible d'échapper. On peut dire, après tout, que l'excellence de la religion est intérieure. Mais à combien d'âmes cet esprit intérieur est-il donné? Assurément, ce n'est pas une des grâces ordinaires de Dieu. Et qu'il y a peu de personnes réellement intérieures qu'on ne voit déchoir quand les secours publics de la grâce diminuent pour elles. D'autres encore sont séparées de Dieu par des mesures irréparables qu'elles ont prises elles-mêmes d'une manière coupable ou autrement. Il semble qu'une fixité éternelle se soit insinuée dans quelques décisions temporelles. Alors les unies ne peuvent plus rien pour elles-mêmes. Elles ne peuvent être toutes à Dieu, quand même elles le voudraient, à moins qu'il ne leur communique quelques-unes des grâces extraordinaires des saints les plus avancés dans les voies mystiques. Nous avons besoin ici de nous rappeler, pour notre consolation, que s'il y a des mesures irréparables, il n'y a rien d'irrémédiable dans la vie spirituelle. Qui pourrait vivre en croyant le contraire? Le pouvoir qu'ont les hommes de séparer de Dieu leurs semblables est effrayant. Quel exercice pour un esprit ardent qui a un sang vif de l'injustice et un amour droit et sincère pour les âmes, d'avoir à travailler pour elles sous la pression d'un grand système public, de l'organisation et des institutions d'un pays qui n'a pas la foi de voir une âme suspendue sur le bord du précipice de la grande question éternelle. De voir clairement que la bienveillance la plus ordinaire et la moindre bonté pourraient la sauver, et de ne pouvoir mettre en œuvre ni l'une ni l'autre. Ce sont comme des couteaux qui s'enfoncent dans la chair et qui causent d'intolérables douleurs. Nous n'avons pas le droit de faire appel à l'équité. En réalité, l'équité n'est peut-être revisible qu'à notre propre point de vue. Il peut se faire que nous n'obtenions justice qu'en la demandant comme un privilège et comme une grâce. Pour l'amour des pauvres du Christ, insistons auprès de Dieu, afin qu'il multiplie et qu'il prolonge notre patience. Ainsi dans le monde entier, dans toutes les classes, surtout dans les plus élevées, La création est pour ainsi dire séparée de Dieu, et sa bonté ne peut s'exercer, à moins qu'il ne renverse ses propres lois et qu'il n'ait simplement recours à sa toute-puissance. Il y a dans les circonstances une tyrannie qui ressemble presque à une nécessité de péché. Il faut une définition de la foi pour nous assurer qu'une telle nécessité est heureusement impossible. C'est là une vérité que nous sentons tous et qui nous blesse jusqu'au vif. Tantôt cette tyrannie nous abat, tantôt elle nous irrite, selon qu'elle agit sur les inégalités de notre faible grâce. Multipliez tout cela jusqu'à ce que les chiffres viennent à manquer, grossissez-le jusqu'à ce que la masse remplisse l'espace et s'étende au-delà, et alors vous aurez une idée des sentiments exquis de la Sainte Vierge touchant l'honneur de la Divine Majesté. Il y avait encore dans la Sainte Vierge une autre disposition à laquelle nous devons faire attention. Sa charité pour les pécheurs était proportionnée à son horreur du péché. Pendant que d'un côté elle s'attristait sur l'amour de Dieu dédaigné et sur la maigre moisson de gloire qu'il devait recueillir, elle n'éprouvait aucun sentiment d'amertume contre les pécheurs. Elle ne ressentait pas de colère pour leurs fautes, mais elle était malheureuse pour l'amour d'eux, à cause des conséquences de leurs fautes. Elle ne les condamnait pas dans son cœur, elle les plaignait seulement. Le péché était clair et hideux à ses yeux, quand elle le voyait s'élever contre l'honneur de Dieu. Mais, quand elle le voyait dans le pécheur, l'horreur qu'elle en avait se fondait comme dans un déluge de compassion. Son zèle n'était pas jaloux de venger, par des jugements effrayants et par des châtiments proportionnés, l'outrage fait à la majesté divine. Il cherchait plutôt à réparer l'outrage par la conversion du pécheur. Elle croyait mieux consulter les intérêts de la justice de Dieu en favorisant l'exercice de sa miséricorde. Il y a, en vérité, une sorte de respect dû aux pécheurs, quand nous les considérons, non dans leur péché, mais simplement comme ayant péché et comme étant les objets d'une sollicitude divine. C'est la manifestation de ce sentiment dans les hommes apostoliques qui attire les pécheurs vers eux et qui les conduit ainsi à leur conversion. Le dévouement de notre Seigneur envers les pécheurs remplit d'un sentiment particulier les cœurs de ses serviteurs. Et quand les pécheurs viennent à se repentir, la marque de la divine prédilection dans la grande grâce qu'ils reçoivent est une chose plus digne d'admiration, de respect et d'amour que le péché n'est une chose digne de haine dans le pécheur. Dans toutes les institutions réformatrices, c'est le manque d'un respect surnaturel pour les pécheurs qui est la cause de l'insuccès, et c'est l'abondance de ce respect qui est la cause du succès. Quand notre Seigneur essayait de convertir, c'était toujours par des regards de bonté, des paroles d'amour, par une indulgence même qui paraissait approcher du relâchement. Il ne convertissait pas en rebutant. S'il rebuta Hérode et les pharisiens, c'est qu'il ne daignait pas essayer de les convertir. Il les laissa tranquilles, et c'est pour cela qu'il leur parla sévèrement. Tels étaient les sentiments de la Sainte Vierge dans la vue du péché que sa seconde douleur apportait devant elle. Elle n'avait pas de colère contre les hommes. Elle les aimait, elle était si compatissante pour eux, qu'elle semblait plutôt considérer leur sort comme malheureux que comme coupable. Son amour s'accroissait en proportion de leur péché. De même que la mesure de la vie de notre Seigneur semble avoir été la plénitude de l'iniquité du monde. À quelque degré que s'élevasse leur péché, son amour était toujours plus grand. On peut dire qu'il n'y a rien en quoi les instincts de la sainteté soient plus singuliers que la manière dont un cœur sanctifié considère les pécheurs. Elle atteste plus infailliblement que toute autre chose une secrète communion avec Jésus, une union secrète et tendre avec Dieu, Une juste intelligence est comme un heureux contact avec le Sacré-Cœur. Ce sont toujours les saints contemplatifs qui ont aimé le plus les pécheurs, plus même que les saints actifs qui ont employé leur vie à les convertir. N'est-ce pas là la raison de la nécessité de l'élément contemplatif pour former un apôtre complet? Mais la douleur que nous considérons contient encore beaucoup de leçons pour nous-mêmes. En effet, le séjour en Égypte est un tableau complet de la manière dans laquelle Dieu, notre Seigneur, le Saint-Sacrement, la foi et les saints se trouvent dans le monde. Là, la vie parmi les choses communes est rendue merveilleuse par un esprit intérieur. Là est la compagnie de Marie et de Joseph. Là sont les trois sœurs évangéliques, le travail, la pauvreté et le détachement. Là est la mystérieuse retraite qui, en apparence, du moins, ne dérobe rien aux yeux des hommes. Là est l'exil, et un exil en Égypte. Là est l'amour de Dieu dans sa suprême souveraineté. Enfin, là notre Seigneur est dans le monde comme un petit enfant. De même que Dieu est invisible dans sa propre création, malgré l'éclat de ses perfections infinies, de même aussi que notre Seigneur est invisible dans son Église et dans le Saint-Siège, malgré tous ses triomphes, de même que le Saint-Sacrement est invisible, malgré la lumineuse théologie écrite sur ce sujet. Ainsi encore est-ce que la foi dans les intérêts qui se heurtent et les grandeurs de la civilisation moderne, malgré ses vieilles conquêtes historiques et sa propagation actuelle de chaque jour. Ainsi sont les saints dans les bas-fonds de la vie où la publicité ne peut les découvrir malgré les miracles qu'ils opèrent. Ils sont tous dans le monde comme de petits enfants. Nous-mêmes, nous formons une partie du tableau. Là est le grand fleuve du Nil traversant comme un songe l'antique et tranquille Égypte. Là sont les pyramides, les monuments de la grandeur païenne. Là sont les déserts de sable, les campagnes aux riches limons, que l'inondation renouvelle tous les ans, les bocages de palmiers, et la vie bigarrée du bazar oriental, puis Jésus, Marie, Joseph quelque part. L'allégorie est complète. Tel est le monde, notre terre natale. Dieu y est caché et tout nous y devient étrange, quoique né du même sol. Car la grâce a réussi d'une façon singulière à faire de nous des étrangers. Nous attendons patiemment pour accomplir l'œuvre de Dieu, et nous comptons les années. Il en viendra une qui sera la dernière. Elle nous conduira dans la patrie, et nous jettera aux pieds de Dieu, et comme nous aurons été tout à lui dans l'exil, Dieu sera tout à nous dans notre demeure éternelle. Il sera, miséricorde infinie pardonnez cette expression, car n'êtes-vous pas déjà tout à nous? Outre la leçon que contient cette allégorie, il y en a d'autres que nous devons avoir à cœur de comprendre. D'abord, il faut apprendre à sympathiser avec Jésus, surtout dans les souffrances que nous lui avons nous-mêmes causées. La religion est un amour personnel de Dieu et c'est notre obéissance qui atteste la sincérité de cet amour. L'amour en est l'âme, la valeur, et la signification. Pour être vraiment religieuse, nos âmes doivent vivre dans une atmosphère particulière qui leur soit propre. Une atmosphère enchantée, dans laquelle le monde ne puisse respirer, ou, par conséquent, il ne puisse pénétrer. Il faut que nous ne puissions pas respirer hors d'une atmosphère de prière. Il faut que l'âme ait un monde d'espérance et de crainte, un partage particulier de goût et de sympathie, d'instinct et de pressentiment qui lui soient propres, des attractions et des répulsions qui lui appartiennent, exclusivement. Il ne suffit pas de croire à un grand nombre de doctrines, ou de garder certains commandements. Ces choses sont essentielles, mais elles ne sont pas tout. Elles sont la chair et le sang, mais l'amour est l'âme même. Or, le principal moyen de créer cette atmosphère enchantée autour de nous, c'est la dévotion au mystère de notre Seigneur. La Sainte Vierge s'est sanctifiée dans cette douleur par sa sympathie avec Jésus. La Vénérable Jeanne de Jésus-Marie, franciscaine, méditant sur la fuite de notre Seigneur en Égypte, entendit soudainement un grand bruit comme d'hommes armés qui couraient, qui s'entrechoquaient et poursuivaient quelqu'un et, peu après, elle vit un beau petit enfant, tout palpitant de fatigue, qui courait à elle avec une grande vitesse, et criait « Jeanne, secourez-moi, et cachez-moi. Je suis Jésus de Nazareth, je cherche à échapper aux pécheurs qui veulent me tuer, et qui me persécutent comme Hérode autrefois. Je vous en supplie, sauvez-moi. » Le but important auquel nous devons aspirer, est d'avoir continuellement à notre pensée les mystères de notre Seigneur, surtout sa passion et son enfance. Gardons-nous de penser à ces mystères comme à quelque histoire passée, qui peut seulement nous faire éprouver des impressions poétiques et sentimentales, et posséder pour nous des attraits particuliers. Il doit en être de ces mystères comme s'ils étaient vivants, comme s'ils se passaient de nos jours et s'accomplissaient continuellement sous nos yeux, comme si, enfin, nous y étions nous-mêmes acteurs. Telle est la différence qui se trouve entre les mystères du Verbe incarné, dans le Nouveau Testament, et les glorieuses manifestations de Dieu dans l'Ancien. Ces dernières sont nos leçons. Les premières sont notre vie. Ils ne restent pas simplement écrits pour briller avec éclat, ils vivent, ils se montrent pleins d'attraits, ils donnent de la force, ils contiennent des grâces, ils transforment. La vitalité de l'incarnation les a pénétrés. Voilà la raison secrète de la préférence accordée à l'Ancien Testament par l'hérésie, parce qu'il convient mieux à son tempérament. Ceux qui n'ont pas le Saint-Sacrement, et qui ont détrôné Marie, ne comprennent pas le sens de l'incarnation. Pour eux, l'Évangile est une belle histoire, peu de choses au-delà. Mais l'Exode est beaucoup plus romantique, plus émouvant, plus glorieux. Il en est de même de la conquête de Chanaan, du règne de David, et du patriotisme sublime des prophètes. Voilà pourquoi l'enthousiasme que les catholiques sentent pour les incidents de l'Évangile, les hérétiques l'éprouvent pour l'histoire de l'Ancien Testament. Mais, chez les premiers, c'est plus que de l'enthousiasme. C'est la vie de leur religion, le souffle de leur sainteté, la présence sans fin et la vision de leur Sauveur bien-aimé. Ainsi, par une méditation assidue, par un amour qui s'afflige ou par un amour qui se réjouit, nous devons poursuivre notre route dans les mystères de Jésus, nous les assimilant, vivant en eux, sentant avec eux, jusqu'à ce que leur simple caractère historique se soit agrandi de toute la réalité d'un culte, et que le cœur de Jésus batte pour ainsi dire dans les nôtres comme une autre vie meilleure et surnaturelle. Une autre leçon que nous enseigne encore cette douleur, c'est que la souffrance, quand Dieu le veut, est meilleure que des avantages spirituels extérieurs. Il fut permis à Sainte Véronique de Binesco, Augustine, d'accompagner en esprit Jésus et Marie dans leur fuite en Égypte, et, lorsque le voyage fut terminé, notre Seigneur lui dit « Ma fille, tu as vu par quelle fatigue nous avons atteint cette contrée. Apprends par là que personne ne reçoit de grâce sans souffrir. » Nous comprenons cela. Mais quand la souffrance s'oppose au moyen de la grâce, quand sa présence entraîne la perte de nos avantages spirituels extérieurs, il pourrait en paraître autrement. Se soumettre alors avec joie à la souffrance renferme quelque chose de plus qu'une soumission ordinaire. Il faut un grand exercice de la foi pour croire que la souffrance, parce qu'elle est la volonté de Dieu, vaut mieux pour nous que la continuation même des avantages spirituels. Être religieux, c'est la question de notre salut éternel, et l'expérience nous a amplement démontré l'importance de la régularité dans nos exercices spirituels. Un jour pour Dieu, qu'est-ce autre chose que la conclusion légitime d'une matinée passée avec Dieu? Aussi bien des personnes appuient leur vie entière sur leur messe quotidienne, et celle-ci la leur fait traverser comme il faut jusqu'à la fin. Y a-t-il sur la terre un être plus dépourvu qu'une âme qui, après une longue habitude de la communion fréquente, s'en trouve privée soudainement pendant longtemps? D'ailleurs, combien de gens voyons-nous qui deviennent meilleurs par la souffrance? N'en endurcit-elle pas beaucoup? Guy aurait dit que la maladie détourne plus de personnes qu'elle n'en sanctifie. C'est là une parole bien dure. Retranchons-en quelque chose. Il y restera assez de vérité pour nous remplir d'une extrême tristesse. Le cardinal de Bérulle, parlant des souffrances intérieures et des épreuves de l'esprit, dit qu'il avait connu beaucoup d'âmes éminentes, et qu'il en avait seulement vu une qui n'eût pas rétrogradé sous leur influence. Il n'était pas homme à exagérer. Et cependant, malgré toutes ces paroles et ces expériences terribles, nous devons accueillir la souffrance, de la part de Dieu, comme meilleure que les heures de prière, meilleure que les sacrifices de chaque jour, ou que les sacrements célestes. Nous pouvons porter un regard de désir et de vif regret sur toutes ces choses, mais sans manquer de soumission à la volonté de Dieu. C'est là une dure leçon à apprendre. Qui ne se rappelle la première fois qu'elle lui fut donnée? Qu'elle semblait inquiétante. Les choses ordinaires paraissaient inintelligibles. La conscience avait comme de nouveaux arrangements à prendre vis-à-vis d'un grand nombre de questions. Jamais une direction spirituelle ne nous était plus nécessaire qu'en ce moment où nous en étions le plus privés. Disons que notre souffrance était une maladie. De combien de choses notre douleur nous dispensait-elle, et quelle douleur était assez grande pour nous dispenser de toutes choses? Nous avions plus d'épreuves, il nous était demandé davantage à cause de notre souffrance, et il semblait que les moyens de la grâce pour conserver le secours intérieur étaient diminués. Certaines parties de notre être qui, en santé, nous avaient semblé pleines de force et de grâce, étaient alors mises à l'épreuve, comme des ressorts que l'on tire et laisse partir en tous sens, tellement qu'un grand nombre se brise. C'était une époque pénible. Les chagrins fondent toujours sur un homme affligé, comme des bêtes timides qui n'osent attaquer leur proie avant qu'elle soit blessée. Ainsi, nous avions à supporter davantage dans le temps où nous avions moins de force pour résister aux épreuves. C'était une affligeante leçon, apprise dans la frayeur et l'incertitude, féconde en ennuis et en larmes. Mais, pendant ce temps-là, nous la prenions, et, si le souvenir en est maintenant effacé et affaibli par les péchés véniels qui la défigurent malheureusement partout, néanmoins notre défiance de nous-mêmes en a été accrue. Nous nous sommes approchés plus près de Dieu. Nous avons fait des progrès dans la vie intérieure, nous sommes devenus plus vrais, parce que nous avons été plus intérieurs, et nous avons senti en nous un surcroît de force, parce que la grâce était mieux établie en nous. La conduite de la Sainte Vierge dans sa seconde douleur nous enseigne, en outre, que c'est quand nous souffrons le plus nous-mêmes, que nous devons le plus aspirer à compatir aux maux des autres. C'est là le moyen de gagner les grâces particulières de la souffrance. La grâce et la nature ont presque toujours des desseins opposés. C'est parce que Moïse avait le caractère le plus violent qu'il devint le plus doux des hommes. Ainsi l'affliction nous renferme naturellement en nous-mêmes et nous concentre sur elle, tandis que la grâce nous oblige à être plus réfléchis par ce que nous souffrons, à sortir de nous-mêmes et à verser sur les autres, comme une libation devant Dieu, toute la tendresse et la pitié que la nature nous ferait prodiguer sur nous-mêmes. Si nous nous détournons de nous-mêmes quand nous sommes affligés, il en résulte comme un agrandissement du cœur et comme une dilatation de toutes nos facultés. Il s'y trouve en même temps quelque chose de si particulièrement agréable à Dieu, que lorsque nous agissons ainsi par un motif surnaturel, et pour imiter notre Seigneur, il semble nous récompenser instantanément par les grâces les plus magnifiques. Nous asseoir auprès du lit d'un pauvre malade quand nous sommes nous-mêmes abattus intérieurement par la maladie, que notre pouls est agité, que notre tête bouillonne et que la douleur donne à nos paroles le vague qui résulte ordinairement du manque d'attention, ou encore écouter pendant des heures les plaintes légères d'un cœur malade, tandis que nous gémissons secrètement en nous-mêmes sous un fardeau bien plus lourd, ou répandre la foi et la lumière par l'accent de notre voix, par nos regards, par nos manières, par notre sourire sur ceux qui dépendent de nous, quand de graves soucis tourmentent secrètement nos cœurs, que de tristes craintes, que des prévisions inquiétantes et des soupçons traversent notre esprit comme des spectres hideux. Tels sont les grands coups de filet du commerce de la grâce. Ils amènent sûrement au port les vaisseaux qui viennent des Indes célestes, chargés de richesses inconnues et de raretés étrangères. Une heure d'une telle œuvre égale souvent un mois de prière, et qui ne connaît la valeur énorme d'un mois de prière? D'ailleurs, c'est le manque de cet effort d'abnégation qui fait que la douleur sanctifie généralement beaucoup moins que les principes chrétiens ne nous l'auraient fait espérer. Quand nous souffrons, il semble que nous regardions la souffrance comme une sorte de dispense de l'exercice de la charité. Nous croyons pouvoir alors légitimement nous aimer nous-mêmes. Nous pensons que nous devons alors recevoir plutôt que donner. Mais en réalité, il n'y a pas de temps où nous puissions légitimement nous aimer nous-mêmes, car, comme le dit saint Paul, le Christ n'a pas cherché à se satisfaire lui-même. S'il y avait un moment où il fut permis de ne pas avoir d'amour pour les autres, ce serait au moment de la mort, parce qu'alors notre amour est dû à Dieu. Le soi n'a de place nulle part dans l'amour. Quand l'amour touche le soi, il devient ou un devoir ou une indignité. Il est vrai que l'affliction nous conduit dans la solitude, mais ce n'est pas dans une solitude égoïste et dépourvue de charité. Elle nous guide doucement loin du monde, comme théâtre de mondanité, mais non loin du monde comme champ d'amour mutuel et de dévouement. Quand les saints gardent secret leur chagrin, c'est sans doute principalement parce que l'amour aime les secrets qui ne sont connus que de lui seul et de son objet, et que l'amour divin est le plus timide et le plus caché de tous les amours. Les saints craignent que Dieu, dans sa tendre jalousie, n'estime pas ce que les autres connaissent. Ils craignent que la sympathie des autres n'enlève cette fleur céleste que la peine ne garde qu'aussi longtemps qu'elle est inconnue. Nous pouvons être assurés d'ailleurs que la charité est une autre raison de leur discrétion. Ils ne veulent pas répandre la douleur dans le monde, où il n'y en a déjà que trop. Ils ne veulent pas étendre la contagion, si la souffrance cachée est plus dure à supporter que la souffrance révélée aux autres, ne doivent-ils pas être ambitieux d'aimer la souffrance? Si cela dépendait d'eux, leur chagrin particulier ne supprimerait pas un seul sourire sur la terre. Le pèlerin fatigué soupire quand il a à gravir une colline escarpée et raboteuse au moment où il est déjà prêt à défaillir d'épuisement. Il en est ainsi du pauvre affligé, courbé sous son fardeau, quand on lui montre Jésus et Marie dans leur douleur, et qu'on lui dit qu'il doit souffrir comme eux. Comment pourrait-il en être autrement? Notre douleur se mesure sur notre sympathie pour les autres. Le ministère actif, joyeux, tranquille, discret, que nous exerçons envers les autres doit être le signe invariable de notre martyre. La fuite en Égypte nous enseigne encore que nous ne devons pas discuter les voies de Dieu, soit dans nos propres souffrances, soit dans les chagrins de ceux que nous aimons. Dieu y aurait pu épargner Marie de beaucoup de manières. Presque chaque circonstance de sa seconde douleur paraît aggravée sans nécessité. Même sans miracle, que de consolation eussent pu lui être accordées. Aurions-nous donc été surpris si la toute-puissance était intervenue pour opérer des miracles dans un cas pareil à celui-là? Il y a souvent, chez les personnes religieuses, quelque chose qu'il est très difficile de définir, et qui ressemble à de l'irrévérence sans en être en effet, assurément. Des personnes qui ont l'habitude de la prière sans l'étendre avec assez d'exactitude de recueillement aux autres actions du jour, de manière à les saturer de l'esprit de prière, s'accoutument involontairement à une sorte de familiarité avec Dieu, qui n'est pas entièrement respectueuse envers lui. Elles pensent que si elles prient Dieu plus que les autres, elles doivent en savoir plus sur lui que les autres. Cependant, il n'en est nullement ainsi. La prière n'est pas le tout de la spiritualité. Elle n'est pas en elle-même la partie la plus solide de la dévotion. La prière a besoin d'opérations ultérieures pour acquérir de la solidité. Il y a des hommes vertueux chez qui la prière est réellement la partie la moins solide de la spiritualité. Il y a des exercices plus intérieurs que la prière, et dans lesquels l'âme apprend plus de Dieu et apprend plus vite. Non que ces choses puissent survivre à la discontinuation de la prière ou exister sans elle, mais ce ne sont pas des prières. Ces personnes, chez qui la prière est une pratique spirituelle presque exclusive, s'établissent ainsi avec Dieu dans une sorte d'intimité. Et surtout si leur prière est une prière de sentiment, elles s'accoutument à penser à Dieu et à elles-mêmes en même temps, non à Dieu seul, à penser à Dieu en elle plutôt qu'à Dieu en lui-même. Les résultats de cette habitude se révèlent dans les temps d'affliction, et particulièrement dans les temps d'épreuve intérieure. La soumission de ces personnes n'est pas instantanée. Elles voudraient bien entretenir Dieu de leur chagrin afin qu'il les persuade au moins, si elles ne peuvent le persuader elles-mêmes. Il faut ainsi que Dieu les flatte jusque-là. Elles veulent bien accepter la croix que Dieu s'est accordée avec elles à leur imposer, mais elles la refusent quand elle vient sans qu'elles aient été consultées. Ou du moins elles satisfont la nature en se plaignant avec dignité à Dieu de ce qu'il a fait, et en insistant d'une manière assez libre et hardie sur les grâces nouvelles par lesquelles il doit les dédommager de ce nouveau fardeau. Dans le fait, c'est discuter les voies de Dieu, et par là perdre la candeur enfantine de la sainteté. Les hommes n'ont pas le droit d'assaillir Dieu, même par l'impétuosité de leurs prières. Leur affaire est d'adorer. Autrement, le charme de la soumission disparaît en eux, et ils perdent tout droit à une union plus intime avec Dieu. Les eaux de la grâce perdent leur profondeur. L'esprit de prière devient faible, tracassé, et enclin à la plainte. Tout cela parce que, dans leur prière, ils se sont accoutumés à être quelque chose devant Dieu au lieu de n'être rien. Il est triste de voir combien les personnes pieuses sont disposées à cette sorte d'irrévérence à l'égard de Dieu. Ne pourrait-on pas attribuer à cette disposition le petit nombre des saints? Mais, là même, il y a quelques consolations. Dieu connaît notre faiblesse. Nous croyons que personne ne peut la comprendre aussi bien que nous, mais Dieu la connaît infiniment mieux. Il exerce, à notre égard, l'indulgence la plus incroyable et la plus inimaginable tolérance. Malheur à nous, si nous osons nous excuser nous-mêmes, quand ce serait mille fois moins que Dieu ne nous excuse. Mais nous avons encore une autre leçon à apprendre. Nous passons la plus grande partie de notre vie, pour ainsi dire, en Terre Sainte, dans la tranquillité et chez nous. Nous vivons, soit dans la Sainte Cité, dans les dépendances du Temple où nous pouvons aller commodément, soit dans la pieuse retraite de Nazareth, ou auprès de l'eau bleue qui bat le rivage du lac tranquille de Génézareth. Mais quelquefois il nous faut descendre en Égypte pour acheter le blé salutaire de la tribulation, qui est la meilleure subsistance de nos âmes. Quelquefois nous devons fuir loin de la présence des hommes ou des machinations des démons. Or, quoi que nous soyons, en quelque lieu que nous habitions, nous avons toujours Jésus avec nous. Il n'y a aucun temps, aucun lieu qui ne lui convienne. Il n'y a pas de ténèbres dont il ne soit la lumière, pas de lumière dont il ne soit l'éclatante splendeur. Hélas, faut-il qu'une vérité si douce au souvenir soit si aisément oubliée? Et cependant, qui ne l'oublie pour toujours? Marie pouvait-elle oublier Jésus, quand elle le portait dans ses bras? Pourquoi donc l'oublier? Pourquoi nous détourner d'un tel compagnon? Comment pouvons-nous être si près de lui et nous tourner si rarement vers lui? Que de pesants fardeaux la pensée de Jésus rendrait plus léger, il y a une liberté opiniâtre qui nous déplaît à nous-mêmes, qui laisse après elle l'abattement, et qui serait douce si elle était retenue captive et si nous sentions les bras de Jésus nous entourer. Il y a des frissons dans notre cœur que nous n'éprouverions pas, si nous sentions Jésus se reposer doucement contre lui. Il y a une solitude qui fait appel à la tentation pour se distraire de ses horreurs, et que la compagnie de Jésus changerait en un entretien irréprochable, en cantique et en joie. Il est facile de quitter Jésus si nous le laissons courir près de nous sur le sable et si nous oublions sa présence. Mais si nous le portons dans nos bras, comme le font Marie et l'amour, il faudrait bien du courage et bien de la méchanceté pour déposer notre fardeau sur le sable et nous éloigner de gaieté de cœur. Il est toujours avec nous, et toujours comme un enfant, en partie pour que notre fardeau soit plus léger, en partie pour que l'amour vienne plus facilement, et en partie pour que la petitesse de Jésus soit plus en rapport avec la nôtre. Il n'y a qu'un seul vrai symbole de l'âme chrétienne. Nous ne devons jamais le représenter autrement à l'œil de notre esprit. Dans les ténèbres et dans la clarté, sur les bords bien-aimés du Jourdain ou sur le rivage du sombre Nil, c'est vraiment, et pour toujours, une Madone et son enfant. Telle est la seconde douleur, la fuite en Égypte pour qui ce mystère n'a-t-il pas été une dévotion d'enfance? À combien de pieuses imaginations ne s'est-il pas mêlé de bonheur? Il a été un type de vie pour nous. C'était la poésie avec la prière, une prière dont la réalité était augmentée par sa propre poésie. Ah, il rappelle d'anciennes années, aussi bien que d'anciennes larmes, car on dirait qu'il réveille même nos chers défunts d'autrefois. Des souvenirs enfantins, de précoces commencements dont Dieu a pris soin, des fleurs qui ont porté des fruits de grâce, un amour divin, quelquefois terni, mais jamais perdu, et des pas distincts faits dans la connaissance de Jésus. Tous ces souvenirs, éclairés par la suave lumière de notre innocente enfance, se groupent doucement autour de ce beau mystère de Jésus et de Marie. Des temps reviennent où, De loin, il nous semble que Jésus et nous n'ayons été qu'un seul être, où sa mère et la nôtre se confondent indistinctement dans une seule forme, et parlent avec une seule et même voix. Et puis, il y a le coucher du soleil dans la solitude, le grand cercle qui darte ses derniers feux à l'horizon désert, et dont la lumière se reflète dans les yeux de Joseph. Il y a Jésus dormant sur les genoux de sa mère, le disque de la lune dans le ciel, le puits où le scintille, le palmier qui soupire, et la nuit qui respire lourdement sur les sables en feu. Mais les morts ne reviennent pas. Il y avait jadis, dans le tableau, des figures qui y manquent maintenant. Les années nous volent en passant. Un par un, hommes et choses disparaissent. Dieu seul ne manque jamais. Markemdanarchive.org d'après la numérisation de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.